comme l'olivier. Bon après-midi à l'écoute de France Inter. Il est dans quelques secondes 14h et puis je vous rappelle évidemment une nouvelle émission hein, depuis la semaine dernière, c'est à partir de 15h Le Monde selon WAM. Ça y est, il est 14h le journal. Et on retrouve Michel Khalifa, bonjour. Bonjour. Dans trois quarts d'heure, les commémorations du 11 septembre vont commencer aux États-Unis, trois ans après les attentats. Les cérémonies débuteront à 14h46, heure de Paris, par une minute de silence. C'est l'heure précise où le premier avion s'est écrasé contre l'une des tours du World Trade Center. Les noms de chaque victime seront ensuite lus à Grande Zéro par les parents et les grands-parents des victimes. 2749 personnes avaient trouvé la mort dans les tours jumelles. En fin de journée, deux faisceaux de lumière s'élanceront vers le ciel pour les représenter. L'Arabie Saoudite a été frappée par un attentat ce matin. Une voiture a explosé à Jeddah, dans l'ouest du pays. La déflagration a eu lieu à proximité d'un établissement bancaire, l'ancienne Saudi American Bank. Quatre hommes se trouvaient à bord du véhicule. L'un d'entre eux a été blessé et arrêté. Les trois autres ont pris la fuite. Ils se sont ensuite barricadés dans un bâtiment près du consulat américain de Jeddah. La police a alors encerclé ce bâtiment.